conclusion que tous les enquêteurs, je ne suis pas le seul à la faire, conclusion, font, c'est qu'on est frappé de la richesse que l'on peut trouver chez des gens à qui on n'avait jamais, jusqu'à présent, donné l'occasion de s'exprimer. Parce qu'ils intéressaient plus. Alors, ceci dit, il faut quand même choisir ces informateurs. Alors, il y a forcément dans ce choix des informateurs un caractère donc relativement empirique. Ce ne sont pas d'illusions. Avec, comme toujours, des ratés. Informateurs qui ont été présentés comme d'excellents informateurs et qui se révèlent extrêmement décevants. Qui se révèlent très décevants à un premier niveau d'interrogatoire, d'entretien. Et en deuxième lieu, qui après se manifestent. Mais alors, à partir du moment où donc vous décidez de faire une méthode de ce type-là, ça veut dire, d'une certaine façon, que vous vous impliquez un peu dans l'opération. Et que vous n'allez pas être comme le roi observateur face à votre objet. C'est-à-dire que c'est évident qu'ils vont vous poser des questions. Alors là, il y a tout un jeu qu'il faut. Il y a tout un danger, il y a un double danger. Le premier danger, c'est, avec une très bonne volonté, de ne pas influencer votre interlocuteur, d'être le clinicien. Et donner l'impression à votre interlocuteur que vous notez ses réponses, comme à l'armée quand on fait des tests psychologiques, ou justement que vous faites l'interrogateur sauvresse, l'intervieweur sauvresse. Alors, à la limite, qu'est-ce qu'il va faire votre informateur ? Si vous avez l'impression de ne pas être du tout impliqué dans l'opération, eh bien, à la limite, il va vous répondre des réponses stéréotypées, il va vous répondre ce qu'il croit que vous attendez de lui. Voilà le premier danger. Le deuxième danger, aussi en toute bonne foi, pour donner l'impression que vous êtes impliqué, que vous n'êtes pas le savant regardant les coléoptères, regardant les insectes, c'est au contraire de substituer votre discours à celui de l'interlocuteur. C'est-à-dire finalement de parler autant que l'interlocuteur. Alors, très rapidement, on aboutit au résultat exactement identique au précédent. Surtout que ne pas oublier que vous avez très souvent, vis-à-vis de lui, surtout dans le cadre de type d'enquête que vous faites qui sont du tout les mêmes que les miennes, vous avez à ses yeux un statut culturel supérieur. C'est-à-dire qu'il a très rapidement, il peut avoir très rapidement l'impression d'infériorité. Si vous voulez, il aura très naturellement l'impression d'infériorité qu'il ne sait pas, puisqu'il n'a pas toujours compris ce que vous voulez faire. D'où le sentiment qu'il se tait. Puis il y a un troisième danger. Et ce troisième danger, je pense qu'il nous guette encore plus que les deux précédents. Dans cette affaire, vous êtes impliqué, je l'ai dit, mais vous avez votre propre idée du Front populaire, par exemple. Vous avez, j'allais dire, vos propres préjugés sur la question. Et dans bien des cas, ce que l'on cherche à faire, ce n'est pas tellement à connaître ce que les gens pensent, mais à confirmer votre vision des choses. Par conséquent, sans le vouloir, vous aussi, en toute bonne foi, en croyant que vous êtes parfaitement objectif, vous pouvez, par le type de questions que vous posez, par le type d'attitude que vous avez, même sans le savoir, influencer votre interlocuteur. Et donc, méfiez-vous, là aussi, c'est un troisième danger, qui est le danger, finalement, de ne retrouver au bout du compte, dans le magnétophone, que ce que vous avez, y avez mis au départ. D'ailleurs, on a dit souvent que la réponse est comprise dans la question. Et ceci est parfaitement de, autant que faire se peut, et bien autant que faire se peut, ne pas être trop directif. Bien entendu, vous aurez votre petit questionnaire dans votre esprit. Il ne s'agit pas d'arriver, puis de poser le magnétophone, et puis de dire, dites ce que vous voulez sur le Front populaire. En fait, une seconde, parce que tu as parlé plusieurs fois de magnétophone, oui. Et implicitement, tu as écarté le système de prise de notes. C'est une question qui m'a été posée parfois, c'est-à-dire que les gens m'ont dit, mais pourquoi on ne peut pas... Bon, alors, mais j'allais y répondre à un deuxième point. Hein. Alors, donc, la première raison, c'est l'entretien relativement non directif, avec à la fois des risques et des avantages. Alors, le risque, c'est que ça bifurque, comme c'est assez loin de la guerre de 14, vous n'aurez pas droit à la guerre de 14, qui a beaucoup plus marqué la conscience des gens que la guerre de 40. Curieusement, aussi, c'est troublé sélectif. La guerre de 14, on est vainqueur, en 40, on ne l'est pas. Donc, il n'est pas dépourvu d'intérêt que les gens du vent populaire, par exemple, bifurque vers la résistance, ou vers la non-résistance, ou vers, par exemple, les raisons de la défaite. Si, par exemple, vous interrogez quelqu'un de passer des lignes d'extrême droite, il n'y a pas de problème, tout à fait logiquement, il risque de tomber vers 1939-1940. Alors, évidemment, d'une certaine façon, c'est ennuyeux, mais d'un autre, c'est quand même significatif, ces liens. Et puis, deuxième point, et c'est là où j'en viens, donc la nécessité du magnétophone. Avec ce que ça implique, le magnétophone, apparemment comme contrainte. Parce que vous allez tous me dire, ben, les gens ne vont pas se faire enregistrer. Nous avons, chance ou malchance, le fait que les Français, et encore plus dans les milieux populaires que dans les milieux bourgeois, les Français ont la télévision depuis 15 ou 20 ans, et donc ils sont habitués à avoir toujours un micro sur le nez. D'où, très rarement, nous avons des ennuis de magnétophone. Sans compter que la miniaturisation des appareils, par exemple cela, fait que dans 9 cas sur 10, au bout de 5 minutes, on oublie les problèmes de magnétophone. Et je ne parle pas sur les problèmes de fond populaire, hein. Moi, je me rappelle que j'ai interrogé des gens en campagne sur des problèmes encore plus secrets dans lesquels la censure est encore plus forte. Je pense aux pratiques d'ensorcellement, oui, soit aux funestes secrets, soit aux pratiques donc sur les rites de passage, sur la mort et la naissance, soit sur les pratiques d'ensorcellement et de désensorcellement qui existent encore dans un bon nombre de campagnes françaises. Et visiblement, il y a la censure. Or, on arrive à faire à recoller des choses extraordinaires, même lorsque les gens, il faut être honnête soi-même, lorsque les gens vous disent quand je parlerai de telle chose, je vous demanderai d'arrêter le magnétophone, et puis ils parlent bien de telle ou telle chose, ils oublient complètement de demander d'arrêter le magnétophone, et c'est à vous à l'arrêter. Alors, donc, le magnétophone, pourquoi? Pourquoi pas la prise de notes? Eh bien, je crois que c'est justement pour pouvoir d'abord vous contrôler vous-même. Commencez par vous contrôler vous-même. Quand vous réécoutez vos bandes, vous apercevez comment la question que vous avez posée impliquait la réponse. Vous apercevez que vous avez été trop bavard. Vous apercevez que finalement, vous avez induit votre interlocuteur à avoir telle ou telle attitude. Voilà la première raison de l'emploi du magnétophone. C'est vous-même. Vous apercevez exactement quelle est votre position par rapport à l'autre. La deuxième raison, c'est alors que dans le magnétophone, ce qui est important, c'est aussi le texte. Et la manière, l'expression que telle ou telle personne a employée plutôt que telle autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, ce qui compte, c'est pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tellement le contenu de l'information, mais la manière dont elle est donnée. Et la manière dont elle est donnée, c'est l'emploi de tel terme plutôt que tel autre. C'est aussi tout le discours parallèle des silences. Vous savez très bien que quand, dans notre conversation, quand il y a quelque chose qui nous embarrasse, eh bien, nous avons divers procédés, bon, les linguistes savent bien, divers procédés pour gagner du temps, pour cacher telle ou telle chose. Ou au contraire, quand nous tenons à quelque chose, eh bien, ça se sent même dans le ton de la voix. Or, les notes ne permettent pas de s'en rendre compte. Les rires, ou alors il faut que vraiment vous ayez une sacrée vitesse de prise de notes, ou alors que vous ayez plusieurs. Plusieurs, c'est encore plus long que magnétophone. Et puis alors, vous voyez, il y a donc cette sorte de choses. Et puis troisième point, ne pas oublier ce que j'ai dit au départ, à savoir qu'il s'agit d'une conversation, dans laquelle d'ailleurs, je le dis tout de suite, il faut expliquer très clairement à son interlocuteur ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce que vous le faites? Il faut le mettre dans le coup. Donc, c'est une conversation. Alors, si chaque fois qu'il parle, il vous voit en train de noter, ben, vraiment, il se sent en situation, je vous dis, soit d'interviewer répondant à un test psychologique ou répondant à un questionnaire sur Freud. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout le sentiment d'un entretien. Alors, vous me direz, le magnétophone, mais comment y arrive? Je crois qu'il y a une première règle qui me paraît absolue. Et absolue à la fois pour une question de déontologie, mais je crois, là, la morale rejoint l'intérêt bien compris. C'est d'agir toujours dans la franchise la plus totale avec les gens que vous interrogez. C'est-à-dire de ne pas, maintenant on pourrait, avoir un magnétophone caché sous votre serviette, hein, et puis enregistrer en secret. Ça, c'est la plus mauvaise des solutions. Pour une raison, bon, qui n'est pas la peine de développer sur le plan personnel. Mais au-delà de cette morale, vous avez une chance sur deux qu'il y ait des maladresses et que le magnétophone un jour se découvre. Et que donc, inutile de vous dire que vous serez probablement mis rapidement à la porte. Et deuxième point, que dans ces mondes culturels, les choses se savent extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Et si un jour vous avez été pris la main dans le sac, eh bien, il n'y a pas de problème, je crois que ce n'est pas la peine dans le secteur que vous ferez, que vous continuez votre enquête. Donc, je crois que c'est la première règle, hein, il faut agir franchement. La deuxième règle, c'est donc d'expliquer extrêmement précisément ce que l'on veut faire, et en particulier mettre à l'aise l'interlocuteur concernant, entre guillemets, surtout dans les milieux ici qui sont encore de français régional, sur le fait vraiment d'une conversation à bâton rompu. Il ne s'agit absolument pas de quelque chose, il doit se mettre en position de délivrer un message. D'où l'aspect vraiment très, très familier. D'où le fait, d'ailleurs, qu'il ne faut pas non plus s'absolutiser sur le magnétophone, et que vous pourrez parfois, avant et après, recueillir des détails très intéressants. Alors évidemment, il faut avoir un certain souplesse et pas se remettre immédiatement à sortir le magnétophone, c'est bien évident. Je crois que dans ce domaine-là, dans bien des cas, quand vous avez un très bon informateur, vous aurez à revenir une deuxième fois, une troisième fois, et que si, je dirais, l'enquête a été réussie, il y a de très fortes chances pour que vous ayez, et ce n'est pas du tout des mots que je dis, mais plus d'expérience, vous ayez une réelle amitié pour la personne que vous avez en face de vous. J'ajoute bien entendu que vous devez très clairement expliquer ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas non plus à montrer d'ores et déjà les conclusions auxquelles vous voulez arriver. Cela va sans dire. Cela m'amène à une autre remarque. Il est fort possible qu'au cours de la conversation, on vous demande quelle est votre position vis-à-vis de la question. C'est un problème extrêmement délicat. Que, mutatis mutandis, j'ai eu pour le problème des Cévennes, à savoir qu'on me demandait dans les Cévennes où les phénomènes catholiques, protestants sont remarqués, si j'étais catholique, on me disait, je suis catholique, mais on me disait, donc une enquête essentiellement de mes protestants, vous êtes protestant, bien entendu. Alors par exemple, vous voyez la transposition dans vos enquêtes, vous interrogez par exemple un militant communiste ou un militant de gauche plus largement, vous dites vous êtes de gauche, bien entendu. Bon, vous vous trouvez être de droite par exemple, vous trouvez avoir des. Ou réciproquement, hein, vous interrogez quelqu'un de l'Action française ou des ligues de feu. Eh bien, il est évident que dans ce cas-là, il vaut mieux dire la vérité. Si on ne vous la demande pas, ne vous précipitez pas, c'est évidemment. Il vaut mieux dire la vérité que de dire une chose, mais immédiatement que vous avez dit la vérité, que vous vous expliquez bien, hein, dans quel esprit vous le faites. Ce n'est pas pour conforter une position que vous avez à l'avance. De ce point de vue-là, par conséquent, tout informateur, hein, quelle que soit sa position, doit être écouté. Vous n'avez absolument pas à vous ériger en juge. L'historien n'a pas à juger, surtout que c'est assez facile de juger avec 30 ans, 40 ans d'interne. Donc il faut surtout pas donner l'impression du jugement. Ça, c'est le plus difficile. En particulier, du jugement dans le cas d'une chose qui n'est plus la mode ou d'une chose qui est minoritaire. Il est bien évident que maintenant, quelle que soit la position qu'on a en 1977, avoir fait partie d'une ligue d'extrême droite, dans l'ensemble, c'est mal vu. Et alors, même quelqu'un qui l'a fait aura tendance tout à fait normalement à cacher, voyez, son sentiment, ou à le déguiser, ou à se justifier. Il faut bien montrer à la personne, hein, que vous ne cherchez pas du tout à lui demander une justification. Vous cherchez à lui qu'il s'exprime, il a quelque chose à dire, quelle que soit sa position à une époque, et vous n'avez absolument pas à donner l'impression que vous le mettez d'un certain côté de la barrière, qui est bien plus du mauvais côté. Côté de l'enfer. Là, l'enquêteur ne doit surtout pas être manichéen. C'est pour ça d'ailleurs que le militant politique trop engagé, je ne lui conseillerais pas toujours, sauf si vraiment il a une très grande distance, de faire une enquête dans des secteurs qui touchent trop trop. C'est toujours le fameux problème, vous voyez, de la distance. Si vous êtes trop loin du sujet, vous ne le connaîtrez pas, il y a des tas de choses que vous ne comprendrez pas. Mais si vous êtes trop près, trop familier, vous n'aurez pas toujours la distance suffisante. Alors voilà donc pourquoi est-ce que, vous voyez, je défends le principe dans l'ensemble, mais sans absolutisation, de l'emploi du magnétophone et du mini-cassette. Bon, à partir de là, j'ai déjà beaucoup parlé, je crois qu'on pourrait peut-être passer maintenant à l'aspect plus concret des difficultés, des questions. Oui. Pardon. Vous avez parfaitement raison. Hein, je crois que c'est une conversation. Non, vous avez parfaitement raison. Vous avez... Je crois que vous avez, là c'est très important ce que vous dites, c'est une remarque extrêmement juste, c'est qu'il y a une certaine lenteur de la parole et que un certain temps de silence peut très bien signifier qu'elle recherche des souvenirs et pas du tout qu'elle n'a plus rien à dire et que si vous la relancez trop, elle risque une chose importante de ne plus dire, vous avez bien raison. Et ça m'amène d'ailleurs à une autre remarque, c'est que dans bien des cas, la deuxième fois aura autant d'importance que la première parce qu'il y aura une latence, une réflexion qui se sera faite sur la question. C'est encore une raison, vous voyez, de presque le temps de silence de le marquer. Et vous savez qu'actuellement, au niveau des transcriptions des bandes, car maintenant il y a le problème des transcriptions des bandes, on est en train de chercher à voir comment est-ce qu'on peut mettre en quelque sorte ces signes de silence dans le texte. Alors ça peut être mis par plusieurs petits points, il y a plusieurs moyens, mais les silences dans une transcription d'un texte vraiment de qualité doivent être mis, ça c'est vrai. C'est vrai. Et puis alors, j'allais dire presque à la limite qu'il y a les gestes aussi. Il y a non seulement le langage des silences, mais il y a le langage des gestes. Et alors, l'une des raisons aussi pour lesquelles vous pouvez employer le magnétophone, c'est que l'intérêt, vous avez quand même à côté de vous un carnet de notes. Vous n'allez pas passer votre temps à prendre des notes en même temps, mais tel ou tel geste qui a été fait qui paraît significatif n'est pas dépourvu d'importance de le mettre. Vous savez, on est toujours à la recherche du non-dit, de ce qui n'est pas dit. Et ce qui n'est pas dit, il peut se manifester par le silence, il peut se manifester visuellement. Ça dépend un peu de la familiarité, si vous voulez. Dans bien des cas, le premier temps des gens de plus grande qualité, je dirais qu'ils mettront un certain temps à s'ouvrir, dans bien des cas. On risque dans un premier temps de récolter ceux qui, spontanément, ont une tendance à être des vedettes. Alors, c'est parfois intéressant d'interroger les vedettes par comparaison aux autres. D'où les gens qui sont un peu secrets, ils ne vous diront souvent pas tout de suite les choses parce qu'ils estiment que vous n'avez pas à le savoir. Ils estiment parce qu'en effet qu'ils peuvent l'oublier. Alors, je crois qu'il y a un peu une question d'accoutumance. Voilà pourquoi, vous voyez, les gens qui débarquent brusquement, qui font une interview pendant un quart d'heure puis qui repartent, c'est pas très bon. Dans bien des cas, la première fois, vous n'aurez même pas votre magnétophone. Ça peut se déclencher brusquement, hein, de façon imprévue. L'ennui là-dedans, c'est que la partie préparatoire est souvent extrêmement lente et qu'après, ça s'accumule de plus en plus. Si vous voulez, ça intervient de plus en plus fortement. Alors, il y a des cas, si vous voulez, c'est souvent au départ qu'on n'en a pas bien l'habitude, on n'arrive pas à bien distinguer ce qui relève du refus de parler, ce qui relève du fait qu'il y a des gens qui n'ont rien à dire, ou ce qui relève de refus de parler encore parce qu'on ne veut pas le dire, ou parce qu'on n'a pas confiance. Alors, comment arriver à Dans ce nombre de cas, ça consiste à se mettre, vous voyez, pour lancer un peu le... Je vous donne, j'aime pas l'expression, on a une sorte de truc, mais qui n'est pas simplement un truc. Quand vous montrez, il faut montrer vraiment que dans cette histoire, vous êtes quand même relativement impliqué. Alors, je pense, par exemple, quand vous voulez recueillir, pour un autre exemple, des étudiants ont fait, l'été dernier, une enquête dans la région des Baronnies, dans la Drôme, tout à fait pour autre chose. Et l'étudiant en question voulait recueillir des histoires facétieuses. Des histoires, ce qu'on appelle l'histoire facétieuse en tradition orale, c'est l'histoire grossière. Alors, il est bien évident que là aussi, il y a un code moral, et alors que les histoires grossières tiennent évidemment un très grand rôle dans les conversations en particulier masculines de village, quand au bout du magnétophone, on les aura beaucoup plus peine à les récolter. Et d'ailleurs, là on voit que il y a un rapport informateur et intervieweur. Ces genres d'histoires grossières, par exemple, dans un village, il n'y a pratiquement aucune chance qu'une femme, une femme les recueille. En revanche, une femme recueillera d'autres choses que les hommes ne recueilleront pas. Dans le cas de précis, mais qu'est-ce qu'avait fait l'étudiant avec une jeune femme de pratique de l'enquête orale? Il s'était mis lui-même à raconter. Vous voyez, et ça avait évidemment déclenché. Bon, alors dans le cas du Front Populaire, il est évident que vous pouvez très bien expliquer que vous avez lu dans tel roman telle situation, ou on vous a raconté, vous avez lu dans tel article de journaux telle chose. Il faut que vous montriez que vous êtes déjà un petit peu au courant, que ça... Alors là, à partir de là, il peut y avoir une conversation qui s'amorce. Le fait, évidemment, avant de... Il ne faut pas aller sans aucune information sur la question. Je crois qu'il faut avoir l'information, dans le cas du Front Populaire, très large sur ce qu'est le Front Populaire, évidemment. Mais ce qu'a été le Front Populaire dans telle ou telle ville, par exemple à Marseille. Ensuite, vous avez un minimum d'informations sur l'informateur que vous avez en face de vous. Est-ce qu'il a été ou non militant syndicaliste, militant politique? Quelle a été sa position? Que vous donnez l'impression que vous avez suffisamment de choses pour que, après tout, il n'hésite pas à vous parler. Non, il y a toujours des obstacles. Hein. Je ne dis pas que ce soit facile. Surtout dans les secteurs qui vous tiennent à cœur. Disons qu'on aura toujours tendance à faire un discours vague sur des choses indifférentes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ceux qui racontent ce qu'ils ont vu? C'est-à-dire, il y a le problème du souvenir de l'ivresse. Oui, alors même, oui, c'est tout à fait vrai, nous sommes dans une société de lecture. Et je dirais qu'à la limite, non seulement ils auront pu avoir lu, mais ils auront pu en plus avoir vu à la télé. Par exemple, s'ils ont écouté, ils ont pu avoir des émissions sur Léon Blum, par exemple. Alors, je dirais que... de toute façon, il n'est pas indifférent, la lecture n'est pas indifférente. Je veux dire par là, le fait de raconter des choses lues, c'est déjà significatif en lui-même. Et puis, en deuxième lieu, il y a deux cas dans le problème de la lecture. Il y a des gens qui font les perroquets, c'est-à-dire qui vous racontent textuellement ce qu'ils ont lu, et vous en percevrez tout de suite, car vous le savez très bien, le contenu ou le style écrit n'est absolument pas du même ordre que le style oral. Par conséquent, vous verrez très rapidement que c'est de l'écrit, que c'est de l'ivresse. Il y a, si vous voulez, une information d'ivresse qui ne trompe pas. En deuxième lieu, si ça a été transformé, ce qui est souvent le cas, c'est que le livre n'agit pas sur la conscience comme le cachet de cire imprimant la cire. C'est une sorte de reprise. La reprise en elle-même est significative. Qu'est-ce que le lecteur aura retenu de son article ou de son livre? Et alors, cela m'a conduit à une autre remarque. C'est, j'allais dire, le contexte. Je pense que quand on fait une enquête orale, il faut non seulement interroger l'informateur sur ses souvenirs, mais... Et c'est en ce sens-là, vous voyez, il faut pas. C'est l'aspect un peu directif de l'entretien, mais l'environnement de ce souvenir. Telle chose, est-ce qu'il l'a vécu lui-même? Est-ce que c'est un de ses camarades qui l'a raconté? Et puis, je crois qu'après, on peut carrément dire, surtout dans le cas du Front Populaire, bon, cette histoire, ça a l'air de nous avoir beaucoup intéressé. Est-ce que vous avez lu des livres dessus? Et quels livres? Est-ce que vous avez lu des articles récents? Vous pouvez même avoir presque, là encore, une astuce, disant, bah, je sais pas, si bon, ce que vous avez dit va être intéressant, si vous apercevez que c'est vraiment quelqu'un qui est très livresque, vous pouvez lui dire, mais à votre avis, qu'est-ce que vous me conseilleriez de lire pour m'informer davantage? Pas davantage, de dire que cette information que vous avez donnée n'est pas bonne, mais pour m'informer différemment, ou pour... Alors, il vous dira les livres qu'il a lus. Et alors, c'est là, vous voyez, où il est très important, évidemment, de connaître une certaine bibliographie sur le sujet. Alors, je ne dis pas que vous ayez à avoir tout lu sur le fond populaire, hein, ce serait démentiel, mais en général, les livres qui, au niveau d'interviews que vous faites, auront été lus, ils sont relativement restreints. Ou les articles de journaux, vous n'aurez peut-être pas lu l'article de journal précis, mais vous aurez reconnu le style. Okay. Je crois que dans le cas du Front Populaire, ça dépend un peu du niveau de votre interlocuteur, d'où l'importance d'avoir une fiche sur l'informateur, en sachant, j'allais dire, son degré et son intérêt pour la lecture. Alors, il y a des catégories. Bien entendu, surtout que ce sera des milieux urbains, tout le monde a des chances de savoir lire et écrire. Mais savoir lire et écrire, vous le savez très bien, ça ne veut pas dire lire. Donc il y a presque une deuxième catégorie de gens qui, tout en sachant lire et écrire, n'ont jamais lu aucun livre, pratiquement. Ensuite, il y a deuxième point, ceux qui sont des petits lecteurs, qui lisent des articles de journaux, puis lors des grands lecteurs. Alors là, à la limite, dans votre fiche, si vous marquez non seulement l'âge de votre approximatif, mais s'il est petit ou grand lecteur. Alors vous me direz, évidemment, vous n'allez pas lui demander s'il a passé son certificat d'études, qu'est-ce qu'il a fait. Mais là encore, cela se sent parfaitement. Dans le cas d'ailleurs qui nous intéresse précisément, il y a le cas du problème du militantisme de l'auteur, de l'informateur. Est-ce qu'il est militant ou pas militant? Oui, je pense. Pour absorber ce que tu as dit aujourd'hui et pour y réfléchir, s'il n'y a pas de continuer ça d'une façon alors qu'il pourra être plus personnalisé quand votre travail aura lui-même un peu plus avancé. Elle brancha traîtreusement le magnétophone. Oui, je vois. J'ai fait quelques bandes. Oui. Ah oui, là, c'est une partie, vous auriez posé une question publiquement. Mais je crois que la première chose. Ah bon. La première chose, c'est que je crois de réentendre assez rapidement vos bandes pour voir. Bien entendu, vous aurez au départ un certain questionnaire, hein, il n'y a pas de problème. Mais implicite, hein, ce questionnaire implicite, vous allez le déterminer à peu près. Bon, à chaque fois, il y aura peut-être des choses qui auront marché, des choses qui n'ont pas marché. Alors après, vous réentendez vos bandes pour deux raisons. Premièrement, en faisant une analyse, pas une transcription, hein, mais une analyse, voilà, ça voudra dire, vous n'avez pas commencé, je ne sais pas, le Front Populaire à Marseille, les militants, vous aurez fait un plan de la bande. Vous vous apercevez aussi qu'il y a eu telle réponse qui n'a pas été faite, ou telle question que vous avez oublié de poser. Pour les meilleurs informateurs, moi, je pense qu'il faudra y aller deux fois. Vous voyez, pas pour tous. Hein. Quand vous apercevez que c'est assez décevant, c'est pas la peine de remettre ça. Mais quand il y a vraiment très rapidement, vous arriverez à vous apercevoir qu'il y a une ou deux personnes qui sont vraiment extraordinaires. Et donc vous arrivez à faire une petite dizaine, même pas. Hein, ce sera déjà un très beau succès. Sur cette petite dizaine, hein, vous aurez un ou deux type extraordinaire et qui ne sera pas forcément celui auquel vous l'attendez. Alors là, il faut carrément ne pas hésiter à s'arrêter et à revenir. Alors, c'est pour ça que, une fois que vous avez fait cette analyse, vous aurez sur chaque cassette une petite fiche en expliquant monsieur Untel, ses coordonnées, et puis qu'est-ce qu'il a fait. À quel moment il a parlé. Alors après, dans un deuxième temps, quand vous aurez tout réuni, vos enquêtes, alors là, bien sûr, dans le cas précis, vous n'allez pas tout transcrire, hein, ce serait un travail absolument démentiel, mais vous avez d'une part à transcrire tel paragraphe d'intervention ou telle formule qui vous paraît particulièrement significative, aussi bien au niveau, je vais dire, de l'information qu'au niveau de la qualité, de la manière dont les gens le disent, les termes qu'ils emploient. Et dans quelques cas, vraiment, vous avez un très beau texte, et dans quelqu'un qui l'écrit avec beaucoup de flamme, une fête en 36, une occupation d'usine, ou au contraire une peur, qu'elle soit encore une fois une peur d'un côté ou de l'autre, là vous transcrivez le texte intégralement. On ne va pas transcrire. Je crois que là c'est le genre de choses, si vous voulez, dans un deuxième temps, je reviendrai encore trois fois, dans un deuxième temps, nous verrons ensemble comment est-ce que l'on peut, si vous voulez, utiliser. Mais la première chose, c'est de tonaliser. Bon, alors moi je pense qu'il faut pour le Fonds populaire que vous regardiez. Bon, vous avez plusieurs choses. Hein. Vous avez eu un petit livre de la collection. Bon, il y avait le Fonds populaire et la presse, dans la collection Kiosque, hein, qui devait être de, je crois, Baudin et Touchard. Qu'est-ce que tu as donné comme bibliographie sur le Front populaire au point de vue historique? Alors, au point de vue historique, le Baudin et Touchard. Oui, Baudin et Touchard, voilà, c'est ce que tu es en train de donner. Qu'est-ce que j'ai donné? Je ne sais plus, le Léon Blum de Joël Colton. Oui. Je pense que maintenant... Les bouquins de Lefranc. Oui, c'est ça, avec oui. Avec réserve. Oui. Le truc de Bonnefousse, l'histoire de la Troisième République de Bonnefousse pour l'aspect législature, etc. Mais c'est un peu vieux. Je crois que c'est à peu près tout. Et le bouquin de Bourdet... sur la défaite du Front populaire n'était pas encore sorti, mais je l'ai recommandé récemment parce que c'est chez Maspero. Oui, c'est ça. Alors, vous pouvez voir le Léon Blum de la Couture. Je ne l'ai pas lu encore, moi, oui. Je ne l'ai pas lu, j'avoue. C'est quand même une... Bon, la Couture est un journaliste. Il a... Ceci dit, au point de vue de synthèse sur le Front populaire, il y a encore... Alors, il y a eu le Front populaire, les élections de 36, de Dupeux, qui avait fait au cahier des sciences nationales politiques. Ça, j'avais pensé que c'était un peu technique. C'est un peu trop technique. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un peu trop technique. Donc, je crois qu'à mon avis, Baudin et Touchard, dans le mesure où ils donnent des extraits de presse, offrent pas mal d'intérêt pour un arrière-plan. Et puis, ils ont toute une bibliographie littéraire à ce moment-là. Voilà. Et puis, alors, tout simplement, tout bêtement, reprendre un manuel du. Bon, il y a par exemple le Genet, un manuel du secondaire du terminal, où ils sont quand même assez. Au moins, ça vous fixe. La bibliographie. Ceci dit, hein, une partie de la bibliographie servira à rien, pour la bonne raison que vous interrogez les Marseillais, hein, et que notre histoire étant toujours une histoire faite du point de vue de Paris, hein, le Front populaire à Marseille, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment eu, bon, Olivier fait quelque chose. Voilà, mais en dehors de ça... Olivier, j'ai donné les coordonnées de enfin, vous devriez les avoir, vous pouvez les donner, mais peut-être c'était un petit groupe, peut-être c'était... Oui, il a peut-être redonné. Olivési, c'est dans la Provence historique, qui est une revue ici, qui se trouve à la BU, qui est le... Je ne m'en rappelle plus. C'est apparu que c'est 67, quelque chose. Si vous voulez, l'important, c'est d'avoir bien à l'esprit, dans le cas du Front populaire, les principales étapes, hein, la préparation. Alors, en fait, votre enquête doit commencer beaucoup plus sur l'ensemble de la période 1930-1940. C'est-à-dire que vous commencez par... ce qui s'est passé aux alentours des années 30, ce qui correspond à la jeunesse de vos interlocuteurs, en sachant que probablement ils vont vous dire des événements qui vont être pas très datés. Mais ça n'a pas d'importance. Hein. Ça n'a pas d'importance qu'ils ne soient pas très datés. Et puis alors, je crois que même parmi les gens interrogés, il est intéressant parfois d'interroger des gens qui même ont maintenant, peuvent avoir une cinquantaine d'années, et qui n'ont vécu la Front populaire que comme enfant. Donc on a déjà le commencement d'une tradition orale sur la question. Le fait aussi que ça n'est pas marqué, c'est un signe, vous voyez. C'est certaines personnes qui ont pu être beaucoup plus marquées par la résistance que par tel ou tel autre phénomène. Où à quel endroit? À la Bourse, à Marseille. Alors on m'a dit qu'il y avait Vous devez avoir aux archives municipales. C'est pour voir quels journaux marseillais ou non marseillais. Enfin, cela, malheureusement, on n'en aura pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai vu qu'à l'école municipale, il y avait pratiquement rien. Oui. Je pensais, oui, moi je pensais aussi qu'elle existait. Alors on m'a dit d'aller dans l'archive départementale. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans l'archive départementale? Il paraît qu'il y aura un microfilm, je crois. Ils ont le microfilm de national? Je suis étonné. National ou départemental? Ah non, mais départemental, on l'a de toute façon, soit aux archives municipales, soit même à la bibliothèque municipale. Bibliothèque municipale, on a les journaux locaux, un quotidien. Je serais étonné, hein. Très franchement, je serais étonné. De toute façon, toute la presse locale, vous l'avez soit à Marseille, à la bibliothèque municipale. Mais oui, mais c'est la difficulté de faire de liste. Oui. Vous savez, ce n'est pas dépourvu d'intérêt de voir le Front populaire dans la presse locale. Oui, parce que je pense que le travail de l'IPSI se place sur un point de vue historique qui n'est pas forcément le nôtre. Oui, exactement. Donc, on peut quand même faire un travail sur la presse locale. Exactement. D'un point de vue, disons, d'analyse. Dites-vous bien que vos lecteurs, les gens que vous interrogerez, là, qui ont vécu la chose, ils, c'est pas le temps qu'ils ont lu, hein, c'est pas Candide, c'est Provençal, et c'est des journaux comme ça. Hein, donc le fait de lire la presse locale, à mon avis, c'est plus important dans ce domaine-là qu'à la presse nationale. Car là encore, on a un reflet d'événements qui peut-être va vous décevoir, mais qui n'est pas dépourvu d'importance, hein, de voir quel est l'impact dans des phénomènes, vous voyez, on est toujours déformé parce qu'on lit toujours la presse locale qui forcément donne une importance beaucoup plus grande au phénomène que ce qu'il a dans la conscience politique des gens. Hein? Faisons une analyse de 68 dans la presse locale, c'est aussi significatif que de la faire dans la presse nationale, hein? Quitte, même si c'est assez décevant. Non, elles ne sont pas. Non, non, elles sont toujours à la rue Saint-Sébastien, un peu plus loin. Ah bon, c'est toujours dans le même. Oui, c'est un peu plus loin, c'est au plus poussé de. Moi, c'est à la Bourse qu'on m'a dit qu'elles allaient changer. Non, mais ils sont pas, ils connaissent rien. Elle est toujours dans la même rue, mais 3 ou 4 numéros plus loin. Mais au Dieu, à la Bourse, ils brûlent des journaux. Ils ont pas pu les récupérer. Non, c'est possible. Vous savez, le drame, c'est qu'en général, les gens. Ils ne voient qu'après coup l'intérêt que ça présente. Il y a des négligences extraordinaires. C'est comme le déménagement de la place Carly. Il ne faut pas croire qu'il y a toujours des intentions. Très souvent, c'est la pagaille. C'est tout bêtement. Et puis les gens qui se disent que c'est que des vieux papiers. Des vieux papiers. C'est ça. C'est du sac de la bibliothèque d'Alexandrie. Ça paye tout. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous avez quoi comme vous comptez interroger qui là? Je ne sais pas exactement, je vais aller voir M. Mélan. Oui. Qui Mélan, c'est le travail avec lui. Il y avait un peu de la connerie. Ah, bah oui, c'est intéressant. Et je comptais bon, d'abord l'interroger lui, parce que je suis. Et voilà. Et je vais lui demander qu'il me donne quelques voilà, quelques adresses. Vous voyez, aller voir, qu'ils aillent voir Saint-Esprit, aller voir des militants de quartier. Voilà, parce que lui, il doit en connaître pas mal. Et alors, des gens qui connaissent bien, parce que là comme vous les connaissez pas au départ, ça va. Oui, moi, j'en sais pas de ma famille, parce qu'il y en a assez peu de monde. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est pourquoi ça? Je ne sais pas si c'est à madame. C'est après janvier, de toute façon. Oui, donc vous avez un peu de temps. Merci beaucoup. C'est en même temps parce que. Ça, il faut négocier ça. Oui, ça pourrait être intéressant. Je pensais que vous indiquiez un peu un appel d'offres parce que vous craignez déjà que je disais que vous allez nous chercher par affinité et par compatibilité. Si vous voulez, on fait une annonce générale et je peux mettre. D'accord. Bon, d'accord, je vous dirai la fois prochaine.